Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Antenne Dimanche pour ce 25 janvier 2026, 14h passées de 31 minutes. Voilà, on vous a coupé votre petite musique funk là qui venait de passer, mais rassurez-vous, on a une belle programmation qui vous attend. Et pour aujourd'hui, je suis accompagné de Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour Loïc, bonjour à tous, zé à toutes. Il ne faut pas oublier le zé à toutes. Voilà, le zé à toutes. Oui, c'est vrai qu'il y a un z à zé. Ah bah vrai, faut c'est faire vrai. La liaison. Zé ben vu. Alors aujourd'hui, émission assez calme, relaxante, zen, mais toujours dans encore l'éclectisme. Encore un Z. Encore un Z. Et dans le éclectisme. Ah ben ça, c'est bien. Voilà. C'est bien l'éclectisme. J'en faisais quand j'étais jeune. Alors on aura majoritairement du français avec du... On aura du Alain Bachung, du Alain Chamfort, on aura du Hubert Félix Stephen, du Johnny, du... On aura après de la variété avec Nazareth, on aura Chalamar, les Yardbirds, Tom Jones, avec une chanson bien connue, et un petit peu de Dick Rivers aujourd'hui. Ça change un peu ? Bah oui. Voilà. Allez, faire un pont ? Oui. Ah bah tiens, histoire de changer d'habitude. Ah oui, quoi. Après, on aura aussi du Couleur et le Mister Pitiful, oui. Interprété de Otis Redding. Tout à fait. Voilà. Donc, une belle programmation éclectique vous accompagne ce dimanche après-midi. 15h, rendez-vous avec Tom Kazak pour le tiercé, le grand tiercé du dimanche à 16h. Et on fait comment ? Alors, antenne87.fr, puis sur l'onglet... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme donc, ça. Donc, antenne87.fr, puis sur l'onglet participer, puis sur dédicace, et vous nous laissez toutes les petites brafouilles que vous le voulez, et je me ferai un plaisir de les lire en direct. Que vous le voulez. Eh ben ça, je l'ai jamais entendu, celle-là. T'es viré. Ah, chouette. Ça t'arrange, je le sais. Ça me manquait. Et là, je vous propose de commencer avec une belle musique que vous connaissez à peu près tous. Hein, bon, vous êtes tous à peu près de cette époque-là. Avec A Spaceman Came Traveling. Alors, c'est de la folk mélangée à du rock des années 80. Vous allez voir que c'est assez sympathique. Et après, on va partir en France avec Adamo. C'est ma vie. Chanson assez connue. Il y a un truc qui ne va pas dans ta phrase. Dis-moi. Bah, tu dis on va partir en France avec Adamo. Mm-hmm. Adamo, c'est un Italo-Belge. Oui, mais il a chanté en France. C'est une chanson francophone. Tu es viré. Allez, ça y est, il commence à me faire un. Hein. Ça commence. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir vos titres aussi. Aujourd'hui, on a le temps. On passera aussi de beaux 33 tours, des 45. Ça chauffe tout doucement, ça se prépare. C'est le moment. C'est votre jukebox, c'est votre émission. Allez, tout de suite, comme promis, on aura donc Spaceman Came Traveling, chanson très très connue, très appréciée de ces belles années 80. À tout à l'heure. From afar, 'twas light years of time since his mission did start. And over a village he halted his crew, and it hung in the sky like a star, just like a star. He followed a light and came down. Thank you. trembling through the ground. And many were awakened on hearing that sound. And travelers on the road, the village they found, by the light of that ship in the sky. Again. Voilà, sur Antenne 87, Franck Adamo, c'est ma vie. Non, Salvatore. Salvatore. Adamo. Et non pas Franck. C'est Franck, non, c'est pas le même. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, on va dire que c'est parce que c'est dimanche. Ouais, merci. Salvatore Adamo, c'est ma vie. 1975 déjà. Ça ne nous rajeunit pas. Ah ouais, ça va vite. Hein. Ça va vite. Mais moi, il va falloir que j'aille me coucher au final. Ça m'aidera pas non plus. Ah oui, c'est ma vie. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il parle que de sa vie. Et bah, en fait, même si c'est une belle chanson d'amour, mm-hmm. ce n'est pas dédié à une femme, c'est dédié à son amour de la musique. Ah, c'est pour ça, d'accord. Et il existe une version de cette chanson où il chante en duo avec Isabelle Boulay. Isabelle Boulay. Chanteuse canadienne. Oui, elle chantait aussi avec quelqu'un d'autre en duo. Oh, elle en a fait quelques-uns. Il y a eu avec Garou, il y a eu plusieurs petits duos. Ouais. Ouais, il y a pas mal de beaux duos hein, quand tu regardes au final. Hein. Exactement. Il y a du travail. Est-ce qu'on a reçu des dédicaces? Pas pour le moment. Ok, bah, de toute façon, ça va arriver comme d'habitude. Hein. C'est un diesel, il faut que ça chauffe. Voilà, c'est ça. Je vous propose de rester dans la chanson française avec Alain Bachung, Roman Photo. Mm-hmm. Ça, c'était une sélection que tu avais préparée. Ça. Alors, c'était de quelle année, celle-là? C'était 77. Et il avait encore le C dans Bachung? Non. Ah, donc voilà. C'était dans les années 60, parce que oui, il ne faut pas oublier que nous, on connaît notamment avec Gabi, oh Gabi, Osé Joséphine, mais il a quand même démarré dans les années 60. Oui. Avec notamment SLC. Une que je préfère, moi, dans les années 60, c'est Les Romantiques. Elle est magnifique. La Rome antique? Ouais. C'est pas ça. Oui, c'est pour ça que ça gratte. Voilà. Antique, d'accord. Et donc, oui, il avait commencé dans les années 60 et Bachung, il y avait un C, c'était B-A-S-C-H-U-N-G. Et après, il va enlever le C pour garder que le S-H. D'accord. Tiens, j'avais même pas fait gaffe. Eh ben, comme Alain Turban, quand il a commencé, c'était Alain avec deux L. Oui, c'est vrai. En 72, il a commencé. Voilà. Et on écoutera ensuite Alain Chauffort avec un grand classique. Manu Reva. De 1900. Alors, vas-y, je t'écoute. 79. Alors, chanson écrite par Serge Gainsbourg. Et en hommage, donc Manu Reva, c'était Oiseau des mers, si je ne me trompe pas, en tahitien. Et c'était le bateau d'Alain Colas. D'accord. Disparu en mer. Oui, c'est pour ça qu'il racontait l'histoire dans toute la chanson. Dans la chanson Manu Reva, oui, c'est pour ça. D'accord, bah très bien. Bah merci pour ces petites anecdotes. Allez, tout de suite, bah, comme promis, Alain Bachung, Roman Photo, 77. Chanson que vous avez rarement entendue sur les ondes. Hein. Comme beaucoup de ce qui est diffusé sur Antenne 87. Allez, à tout à l'heure. 3 jours de congé, on se marie. On vivra tranquille, c'est pas difficile. Suffira de faire des économies. Et voilà, on ne la présente plus, cette chanson. Alain Chamfort, Manureva, grand classique. Oui, tiens, d'ailleurs, on va en profiter pour rectifier. Donc, c'était la traduction de Manureva, c'est oiseau de voyage. Ah, voilà. Voilà, en tahitien. Un oisal. Un oisal des oiseaux. Voilà, tu vois, tu retiens. Et sur la chanson donc, de Alain Bachung, la voix féminine, c'était la chanteuse Valérie Lagrange, qui est aussi actrice, parce qu'elle jouait dans le film La Jument Verte. Et dans les chœurs, à noter la présence de Daniel Balavoine, avant qu'il soit connu. D'accord. Voilà. Il en a fait des choses lui aussi. Oh que oui. D'ailleurs, on l'entendra tout à l'heure, Daniel Balavoine avec Soulève-moi. Rate pas quand tu dis ça. Non. Je suis pas de ce bord-là. Je sais. Le pire, c'est que je l'entretiens. C'est une chanson qui l'a permis d'être connu, justement, Soulève-moi. C'est une de ses premières chansons. Il avait sorti en 79, justement. Ah bah. Date où il est sorti vainqueur parmi tous les chanteurs du début des années 80. Il y en a une paire qui ont émergé. Ah, puis c'est l'époque Starmania. Oui. Oui, oui. C'est 80 ou 81, je crois, Starmania. Ah, moi, j'ai vu plusieurs années. Il me semblait que c'était 78, moi. Mais après, on m'a dit que c'était 80. On va chercher. Donc je vais chercher, parce qu'il me semblait moi que c'était 78 Starmania et 80 c'était plus la version canadienne. Qui s'appelait de mémoire Typhoon. Ah oui, Typhoon avec Typhoon ou Typhoon. Typhoon. C'était il y avait Goldman, Balavoine et oui, je me souviens. Non, ça c'est Typhoon. Ah oui. Le groupe de Goldman c'est Typhoon où il faisait équipe avec. Ça y est, tu me contamines avec tes mémoires. Ouais, aussi, ouais. Celui avec qui il chante Je te donne. J'ai oublié. Vois-tu ? Non, mais. Décidément. C'est le moment aussi, si vous voulez sortir sur les Michael plaines. Michael Jones. Si vous voulez aujourd'hui sortir sur les plaines, des portes ouvertes sont organisées à Cœur de Forme à Arcy, 36 rue de Brienne. On vous attend jusqu'à 17h. Si vous avez envie de découvrir un petit peu le sport ou faire du sport tout simplement en ce dimanche après-midi ensoleillé et glacial, n'hésitez pas, c'est ouvert jusqu'à 17h à Arcy-sur-Aube. Alors Jeff, tu nous disais... Oui, donc, c'était Michael Jones, celui qui chante avec Goldman dans Typhoon, et non pas comme ça a été dit souvent qu'il avait remplacé Goldman. Non, ils ont chanté en même temps dans le groupe. Et Starmania, donc, la première fois présentée en 1979 et l'album était en 1978. Ah oui, voilà. Voilà. Là, on a les bonnes infos. Exactement. Ah, c'est parfait. Alors, on va repartir dans le disco, le début du disco avec Amy Stewart. Oui. Knock on Wood, tape sur le bois. Enfin, toque sur le bois. Ouais. Toque sur le bois, ou tout simplement la porte. Et on aura Tom Kazak après à 15h, 15h01 avec. Des pronostics hippiques. Et à vous la fortune. Voilà, tu vois, ça tu l'as pas oublié. Ça reste. Ça reste, ouais, ça ne s'oublie pas. Allez, c'est parti. I'm not afraid to voilà, c'était Amy Stewart avec Knock on Wood sur Antenne 87. Il est déjà 15h passé de 1 minute et c'est le moment de retrouver Tom Kazak avec les pronostics hippiques. Allez, bonjour Tom. Tom Kazak, le quintet. Bonjour, bonjour à tous. C'est le grand jour pour les courses hippiques avec la plus belle épreuve au monde au trot attelé. Le Prix d'Amérique, qui réunira cette année un magnifique plateau de 18 trotteurs internationaux. Support du Quintet Plus de ce dimanche 25 janvier 2026. La distance à parcourir sera de 2700 mètres. La location de 1 million d'euros. Et celui-ci s'annonce bien difficile à déchiffrer. Départ prévu 16h20. En tête de notre sélection, le 18, Go On Boy, préservé en vue de cette épreuve. C'est sa dernière chance de l'emporter, ce sera mon favori. Suivi du 2, Iroise de la Noé, bénéficiant de la confiance de son entraînement avec Eric Raffin. Sa place est dans les 3 et peut même l'emporter. Suivi du 17, Francesco Z avec Benjamin Rochard qui peut en tirer sa quintessence. Le 6 et Pic Chrono fera logiquement partie des chevaux très en vue dans cette épreuve. Et enfin le 11, Joss Power, pieds nus, il est incontournable en pareille société. Il complétera notre sélection. Une sélection que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Tom Kazak, les pronostics hippiques avec mes dernières minutes. Donc notre choix aujourd'hui, premier le 18, Go On Boy. Second le 2, Iroise de la Noé. Troisième le 17, Francesco Z. Quatrième le 6, Epic Chrono. Cinquième le 11, Joss Power. Le second choix le 14, le 13 et le 16. Et à vous la fortune. Et oui, c'est toujours convivial. Merci Tom Kazak pour la chronique Qui s'y frotte, s'y pique. Petit rappel à 15h45 avant le départ de la course. Jeff. Nous avons deux petits messages. On t'écoute. Alors Jean qui nous dit « Bon dimanche à tous, auriez-vous Michel Jonas avec Joueur de blues ?» Ah, très belle chanson. Nous avons Katia qui nous dit « Belle émission, de belles chansons françaises. » Merci Katia, une habituée. Exactement. C'est tout pour le moment. Allez, je vous propose de repartir dans les années 70 avec Barabbas et Woman, le titre. Ça te dit quelque chose, hein? Oui, un petit peu. Hein, ça bouge un peu. Et après, on reste dans les années 70, on prend 4 ans, on part en 76 avec les Blue Oyster Cult, avec The Reaper, chanson très très connue. Et ça va vous dynamiser un peu le dimanche. J'aime bien les mettre, ceux-là. J'aime bien. Ouais. Ah ouais, c'est bah ça lie le début, enfin la pop des années 70 et le rock, quoi. Donc c'est assez agréable à entendre. Et n'hésitez pas pour les dédicaces. Antenne87.fr, puis sur l'onglet participer, puis sur dédicaces. Vous nous laissez toutes les petites brafouilles que vous voulez, et je me ferai un plaisir de les lire en direct. Voilà, c'est si mochement dit. Allez, vous êtes toujours sur Antenne 87, 15h passées de 4 minutes. Et on part avec les Barabbas. À tout à l'heure. Woman, oh my woman, Et voilà, c'était les Blue Oyster Cult, antenne 87, 15h14. Allez, on va repartir après dans les années 60 avec notre chère Brigitte Bardot qui nous a quittés il y a quelque temps. Tu veux ou tu veux pas ? Marcel Zanini, c'est même 70. 70 ? Ouais. Précis, ouais. Ouais, j'ai 69. Ouais, c'est, il me semble que c'était 70 Marcel Zanini, 70-71. Bon, c'est des belles années quand même. Bah, pas forcément, parce que 71, c'est mon année de naissance. Donc, oui, bah, c'est vrai que c'était une année, allez, je sais, une année très noire. Chaque année a sa catastrophe, hein, regarde-moi. C'est vrai. Et après, on fera un saut dans les années 80 avec Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Ou ce qu'il peut surtout. Ouais, ce qu'il peut, ouais, avec ce qu'il a. Alors, pour la petite info, tiens, chacun fait ce qui lui plaît, c'est Gérard Presgurvic, grand ami de Patrick Bruel, qui a contribué à la création de la chanson. Mmh. Et au départ, il voulait la chanter, sauf que bah, il avait déjà un contrat d'exclusivité avec sa maison d'édition. Et il a songé à Grégory Ken, qui était danseur, acteur, chanteur, puisqu'on l'a connu dans les années 60, notamment avec une chanson qui s'appelle « Le trou dans ma chaussure », qui était une adaptation d'une chanson américaine. Et il s'est dit, puisque lui, il ne travaille pas, on va le faire travailler. Il l'a contacté et puis ça a cartonné. C'était considéré, même s'il y a des oreilles qui saignent un peu quand on dit ça, mais... Début du slam. C'est notamment, même pire que le slam, elle est considérée comme une des premières chansons rap. Mm-hmm. Parce que Gérard Presgurvic, avec Philippe Bourgoin, l'autre créateur de la chanson, était aux États-Unis, donc il était dans la grande pomme, comme on l'appelle. Et c'est eux qui ont ramené un peu ce style de musique et c'est vraiment le début du rap. Bon, c'est pas le rap comme on connaît avec MC Solar ou tout ça, mais c'était quand même une des premières chansons rap malgré tout. C'est parce qu'on a du mal à s'y faire. C'est comme le R&B, Rhythm and Blues. Ça date des années 50, oui. Enfin, voire même les années 40. Les gens ont du mal à se dire que c'est beaucoup plus vieux. Ah oui, enfin, parce que le R&B, c'est à la même époque que le doo-wop, hein, oui. C'est ça. Et après, la Motown. Oui, c'est ça. Et après, au niveau du rap, tu as eu le breakdance qui était un dérivé du rap. Oui. Avec notamment la chanson Breakdance. Oui, et puis Herbie Hancock aussi. Herbie Hancock aussi. Street Dance. Street Dance aussi, oui. Qui est une chanson très connue aussi. Ah oui, oui. Et Herbie Hancock est aussi acteur, puisque pour les amateurs de séries télé, il a participé à un épisode de la série Mike Hammer. D'accord. Je ne connaissais même pas. Ah, si. Allez, comme promis, on va repartir avec Brigitte Bardot. Et après, chacun fait ce qui lui plaît. N'hésitez pas pour les dédicaces. Antenne87.fr, puis sur l'onglet participer, puis sur dédicaces. Tu veux ou tu veux pas ? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Si tu viens à la maison.

Bonjour à tous de Maïlcan, je souhaite à tout le monde un beau dimanche et une bonne émission comme toujours. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Didier. Bonjour monsieur Loïc, auriez-vous l'âge bête de Diantel? Bonjour monsieur Didier, il y a Jeff aussi, pas que moi. Et on va... C'est prêt. Eh ben voilà, c'est prêt. Les trois sont prêtes. Eh ben on va passer les trois dédicaces tout de suite. Allez, c'est parti. De blues avec Ben l'Oncle Soul. Ah, c'était pas mal, c'était une bonne petite version. Oui, j'aime bien. Je préfère même cette version-là, la version originale. Alors moi qui suis puriste, je préfère l'original. C'est... La rythmique n'est pas la même, la mélodie n'est pas la même. Mais là, c'est vrai que la voix de Ben l'Oncle Soul, elle va très bien dessus. Ah oui. D'où l'Oncle Soul, hein. Il fait partie de cette catégorie. Prochaine dédicace. C'était Message personnel de Françoise Hardy. On va passer ça tout de suite. Au bout du téléphone, il y a votre voix.

merveilleux retour dans les années 80 avec Diane Tell, qu'on connaît tous, toutes et tous. Oui. Qui est très très connue pour d'autres morceaux, justement. Bah, voilà, et Faire un nouveau connaissance, qui est d'ailleurs le nom de l'album d'où est tirée cette chanson. On se connaît déjà. Je sais. Je sais pas, tu me regardais avec ta tête d'ahuri pour me dire. Ouais, bah, puis le problème, c'est que c'est la seule tête que j'ai. Hein. J'essaie d'en trouver d'autres, mais ils veulent pas. Non, il faut que je coupe pour récupérer et ça va pas. Non. Ça s'accorde pas. Même la tête, elle fait un rejet vis-à-vis de moi, alors t'imagines. Bah, c'est avec Déon, ça s'accorde. Bien. Enfin. Et sinon, moi, il y avait Si j'étais un homme, bien sûr. Oui. Mais ça, c'est après l'opération. Tu as posé tellement fort, j'ai entendu d'ici. Je suis quelqu'un de très sérieux, généralement. Il y a aussi une chanson qui est très belle, qui s'appelle Petit Homme, qui avait été, si j'ai bonne mémoire, écrite par Laurent Ruquier pour Diane Tell. Ah oui, ça remonte. Oui, ouais, ouais. Non, on en apprend tous les jours. On va faire une petite pause avec le tiercé de Tom Kazak pour le petit rappel de la course de 16h. Et après, place à Aznavour avec Désormais. Daniel Balavoine avec Soulève-moi et un petit Dev qui sent bon le week-end en 1980 et on se retrouve dans à peu près une dizaine de minutes après notre petit moment de pause et on fera un petit tour du côté des dédicaces. Allez, vous êtes toujours sur Antenne 87 pleine de champagne, 15h passées de 39 minutes. Tom Kazak, le Quintet. Bonjour, bonjour à tous. C'est le grand jour pour les courses hippiques avec la plus belle épreuve au monde au trot attelé. Le Prix d'Amérique, il réunira cette année un magnifique plateau de 18 trotteurs internationaux. Support du Quintet Plus de ce dimanche 25 janvier 2026. La distance à parcourir sera de 2700 mètres, l'allocation de 1 million d'euros et celui-ci s'annonce bien difficile à déchiffrer. Départ prévu 16h20. En tête de notre sélection, le 18, Go On Boy, préservé en vue de cette épreuve. C'est sa dernière chance de l'emporter, ce sera mon favori. Suivi du 2, Iroise de la Noé, bénéficiant de la confiance de son entraînement avec Eric Raffin. Sa place est dans les 3 et peut même l'emporter. Suivi du 17, Francesco Zette avec Benjamin Rochard qui peut en tirer sa quintessence. Le 6, Epic Chrono, fera logiquement partie des chevaux très en vue dans cette épreuve. Et enfin le 11, Joss Power, pieds nus, il est incontournable en pareille société, il complétera notre sélection. Une sélection que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Tom Kazak, les pronostics hippiques avec mes dernières minutes. Donc notre choix aujourd'hui. Premier le 18, Go On Boy. Second le 2, Iroise de la Noé. Troisième le 17, Francesco Zette. Quatrième le 6, Epic Chrono. Cinquième le 11, Joss Power. Le second choix le 14, le 13 et le 16. Et à vous la fortune.

celle que j'aime dans le matin qui s'éveille, dans le matin au réveil, c'est l'instant que je préfère. C'est l'instant que je préfère. Alors, restez à l'écoute. Un beau morceau de Dick Rivers en 1965 avec Couleur. Morceau rare. Oui, très rare. Et ça sonne vraiment la base du folk et de la country. Oui, bien sûr. Et ça, c'est, il me semble que c'est tiré de l'album Mississippi Rivers. On va passer du côté des dédicaces. Oui, il y a quelques petits messages. Aurélie, hello de Brienne pour bon dimanche à tous. Eh bien, bonjour à Brienne Le Château et bonjour à vous. Dominique, une radio qui a le mérite d'exister. Vous avez poussé un peu plus fort le son, j'entends. On entend un peu mieux. Ah oui, on a fait un petit effort sur le son. On a fait en sorte que ça ne sature pas trop. Mais le son reste, oui, effectivement, un peu plus écoutable qu'avant, c'est vrai. Nat, coucou de Fère Champenoise, merci pour vos belles chansons. Merci à vous, Nathalie. Léo 51, petite dédicace à Marie de Sonpuis, les Acadiens de Michel Fugain, un petit souvenir. Ah oui, les Acadiens. On va la passer tout à l'heure, oui. Elle est prête. Serge et Cathy, toujours fidèle au poste, sans jeu de mots, merci pour ce bon dimanche. Écoute en famille, très beau choix. Eh ben, très bon repas de famille, je pense, hein, vu l'heure et vu le jour. Et merci de votre fidélité. C'est tout pour le moment. Alors je vous propose désormais de prendre un petit peu de soleil et de se diriger vers la Corse avec Solène Zara. Ah, Enrico Macias. Enrico Macias. Oui. C'est chanson corse à la base. Oui, c'est un chant corse. Ouais, Solène Zara, c'est une plage et c'est le créateur de la chanson. Donc on en parlera dans une des futures chroniques de Raconte-moi, Papa raconte-moi une chanson, où je vous expliquerai justement que le créateur de cette chanson était un Corse parti sur le continent, comme on dit, donc la métropole, pour chercher du travail. Et comme il était nostalgique de son pays, il a créé cette chanson qui est une plage corse, Solène Zara. Et Enrico, voilà, va utiliser cette chanson, entre autres, pour faire un petit, on va dire, un petit comparatif avec tous les pieds noirs où leur terre natale leur manque. C'est vrai. Voilà. Encore une très belle chanson qui nous attend. Et après, on écoutera, c'est la même chanson. François Valéry, entre autres. De quelle année ? Ça, c'est dans les années 80, ça. Chanté aussi par Claude François. Chanson originale qui s'intitule The Same Old Song. Voilà, je cherchais. Ouais, c'est ça. Ça doit être les Four Tops, si je ne me trompe pas. Je vais faire les recherches, mais en tout cas, c'est, voilà, à la base, c'est cette chanson-là. Ça faisait partie de toute la génération. On parlait de doo-wop tout à l'heure, de la Motown. Voilà, les Four Tops, les Temptations. Voilà, c'est toute cette génération-là. Et on leur doit cette chanson-là. Et puis, il y avait aussi Reach Out, chanté par Claude François. J'attendrai. Oui, qui a été repris après dans les années 80, la fin disco. Mais il y a eu pas mal de belles reprises, mais il y a des versions qui sont sympathiques aussi. Allez, c'est parti, comme promis, comme dit, on va écouter tout de suite Solène Zara d'Enrico Macias. Sur la plage de Solène Zara, nous nous sommes rencontrés. Et sa guitare chantait dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solène Zara, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solène Zara, j'entends la mélodie qui m'a donné tant de joie. Je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solène Zara. À Solène Zara, j'y reviendrai tous les étés. À Solène Zara, più bene non si può stare, più bene non si può. Chanson française. We'll be right back. 16h passées de 3 minutes sur Antenne 87. Voilà, ça, on a fait un petit saut dans les années 80. Oui, 89. 89, ouais, précisément. Ouais, elle est beaucoup plus dynamique qu'avec Clo-Clo, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Clo-Clo, c'était plus, un peu plus disco. Mmh. Et pour la petite info, Clo-Clo chantait toujours cette chanson pour clore ses spectacles. D'accord. Et en fait, l'idée de la chanson, c'est que bah, toutes ces conquêtes, à chaque fois, elles sont toutes parties. Ah. Donc c'est pour ça que c'est toujours la même chanson. D'accord, ok, je comprends mieux pourquoi. Ah. Bon, après, on ne parle pas de la relation avec France Gall, où c'est lui qui l'a fait partir quand même. À un moment donné, il faut remettre les choses un peu en place. C'est vrai. Dire qu'elles partent toutes, c'est bien, mais c'est lui qui l'a quand même dit c'est terminé le jour où elle a gagné l'Eurovision. Oui, avec c'est Coupé de Cire, Coupé de Son. On en avait parlé, je crois, une fois. Hein, on dirait. Bon, après, c'est comme ça. Hein, c'est... Il y en a qui ont un égo plus démesuré que d'autres. Exactement. Allez, je vous propose de rester dans les années 80 avec Frédéric François, Tzigane. Très belle chanson. Très très belle. Très peu diffusée à la radio. C'est toujours Mon cœur te dit je t'aime ou Je t'aime à l'italienne. Voilà, les grands classiques. Mais cette chanson-là, ou même Fou d'elle, ça fait partie des chansons très peu diffusées. C'est vrai. Et une autre, justement, là, cette fois-ci, on part dans les States, au Studio 54. Tu connais pas ? Vas-y. Production disco. Léa, vas-y. Good to be real, avec Cheryl Lynn. C'est assez... Ça va être sympathique. On va repartir un petit peu dans le disco en 82, avec un morceau, un disco, qui est passé plus d'un million de fois dans les discothèques à l'époque. D'accord, bon, ça fait 1,1 million avec celle d'aujourd'hui. 1,1 million, ouais. 1 million, enfin un peu plus, parce qu'on la passe dans la bande son régie. Ouais, 1,5 million, voilà. Voilà, donc une belle chanson encore qu'on va découvrir. Dédicace. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul message, c'est Xav qui nous dit « L'ambiance est toujours aussi cool. Je ne sais plus quand le retour de Monsieur Wilfried, le reggae me manque un peu. » Alors, il est encore en vacances pour le restant du mois de janvier. Vous le retrouverez dès début février avec le retour de Milky Way Reggae. Il vous a concocté de très belles émissions. Maxime, tiens, un petit message qui vient de tomber à l'instant. Merci pour toutes ces chansons. Avec grand plaisir, Maxime. Et merci de votre fidélité. Je vois souvent ce prénom aussi. Oui. Bah, merci d'être régulièrement avec nous. Allez, tout de suite, on part avec Tzigane. J'ai dans la tête des violons qui dansent, une envie de faire la fête, le cœur en vacances, et partir sans bagage pour voir d'autres visages avec les Et voilà, c'était Got To Be Real sur Antenne 87. Et déjà 16h, passé de 14 minutes, ça tourne. Hein, décidément. Bientôt l'heure du goûter. Ouais, c'est déjà l'heure du goûter. Vous. C'est pour ça qu'on a le petit coup de barre. Voilà, nous sommes ensemble encore jusqu'à 17h. Et n'hésitez pas pour vos dédicaces. Antenne87.fr, puis sur l'onglet participer, puis sur dédicaces, vous nous laissez toutes les petites bafouilles que vous le voulez. Voilà. Et puis je me ferai un plaisir de les lire en direct. Merci. T'en as pas reçu encore? Si, une seule. Ah. Titi qui nous dit: vous faites un très bon travail et les musiques sont sympathiques. Merci beaucoup, Titi. Ah bah tiens, ça vient tout juste de tomber. Là, il y a 18 secondes. Cindy. Pareil, c'est une chanson ça aussi. C'est Jérôme. Vos émissions sont sympas, on chante en même temps. Merci beaucoup. C'est tout pour le moment. Allez, je vous propose de repartir avec le groupe Earth des années 70 avec Quick It Out. Et après, Hubert Félix Thiéfaine avec Lorelei 1982, un de ses premiers morceaux qu'il a sorti, qui... On ne dirait même pas que c'est de 82. Ah, y a des chansons comme ça qui sont intemporelles, tellement qu'elles sont bien faites. Ouais, elle est très bien faite. Au début, la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit, c'est pas possible. C'est récent. Bah non, 82. C'est énorme. Allez, on repart avec Earth. Et puis n'hésitez pas, pour vos dédicaces, vous nous les envoyez à Jeff sur antenne87.fr et on se fera un plaisir de diffuser vos morceaux. Et n'oubliez pas, aujourd'hui dans l'agenda, vous avez la sortie à Cœur de Forme, Arcy-sur-Aube, 36 rue de Brienne, où vous pouvez découvrir une belle salle associative qui vous propose plusieurs activités sportives. Faut se dépenser, ça fait du bien. Ouais, c'est ce que dit mon porte-monnaie aussi. Oui. Votre radio locale.

t'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin de souvenirs, pour te faire. Johnny Hallyday, Tes tendres années, en 1963. Oui, ça belle remonte, chanson country, chantée à l'origine par George Jones, qui est un grand, grand, grand nom de la country, puisqu'on lui doit entre autres Telephone Call, qui deviendra le Telephone Pleur pour Claude François. Mmh. En coup, il chantait en duo avec sa fille adoptive Tina Bird. Et le titre original de cette chanson, cette belle ballade, c'est Tender Years. Okay. Adapté en français par Ralph Bennett, qui a un grand nom aussi de l'adaptation de chansons américaines en français. D'accord, tu vois, on apprend tous les jours. Et là, bah, je vous propose cette fois-ci de repartir dans le rock avec le groupe Nazareth. Oui. Et après, on repart avec un grand nom de la chanson française, Nicoletta. À quelle chanson? À ton avis? Bah, il y en a tellement. Cette saison là. Les volets clos, parce qu'il fait froid, donc on garde la chaleur intérieure. Même pas. Il est mort le soleil. Eh oui, il est mort le soleil. Ça, c'était une petite dédicace pour la météo d'aujourd'hui, tu vois. Est-ce qu'on en a reçu? On a reçu un message d'Olivier Desternay qui nous dit « Salutations Desternay, mes amis, sympathique, votre nouvelle application. » Merci beaucoup. Et justement, j'ai reçu un message, donc je n'ai pas le nom, sur un réseau social privé. Comme quoi, un message est arrivé sur le chat. Mais le problème, c'est que le chat, pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire fonctionner. Bon, j'ai le temps d'essayer vite fait. Le temps qu'on passe la musique. On n'a pas encore pris l'habitude du chat. Ça a été mis en place par la communication, mais rien n'est encore très bien réglé. Donc on ne sait pas si des messages arrivent. Ça va venir, c'est dans les projets. Ça va viendre. Ça va viendre. Nous ne sachons pas encore, mais nous allons essayer de sacher dans quelques minutes. Allez, tout de suite, on repart avec Nazareth, grand groupe de rock.